tu as volé mon enfant. Verser le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera. J'aurai ta peau, tu périras. Tu m'as retiré du cœur. Et la pitié et la peur. Tu n'as plus besoin d'avocat. Les bons jurés qui s'accommodent des règles prévues par le code ne pourront jamais t'écouter, pas même un Christ à tes côtés. Les philosophes, les imbéciles, parce que ton père était débile, te pardonneront, mais pas moi. J'aurai ta tête en haut d'un mât. Tu as tué l'enfant d'un amour. Je veux ta mort. Je suis pour. Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera. J'aurai ta peau, tu périras. C'est trop facile et trop beau. Il est sous terre. Tu es au chaud. Tu peux prier qui tu voudras. J'aurai ta peau. Tu périras. Tu as tué l'enfant d'un amour. J'aurai ta mort. Je suis pour. Tu as tué l'enfant d'un amour. Je suis pour.